m'avance à distance. De grandes espérances nous font tourner la tête. Nous rêvons d'opulence dans des villes de sapience aux allures modestes. Nous achetons la détente en l'espèce trébuchante et nous ornons nos fêtes de chansons indigentes. Nos postures insolentes se chargent du reste. Le bout du tunnel est trop étroit pour qu'on puisse le passer ensemble. Le bout du tunnel est trop étroit pour qu'on puisse le passer ensemble. Le bout du tunnel est trop étroit pour qu'on puisse le passer ensemble. Le bout du tunnel est trop étroit. On avance et on penche, la chaleur dans nos hanches nous brûle parfois. Mets ta langue sur ma langue, que nos bouches exsangues se protègent du froid. Et que la nuit étanche, le temps qu'elle reste blanche, notre soif débat. Dans la pièce qui tend, lançons des boomerangs qui ne reviendront pas. Promesses de l'aube sont trop étroites pour qu'on puisse la passer ensemble. Les promesses de l'aube sont trop étroites pour qu'on puisse la passer ensemble. Les promesses de l'aube sont trop étroites pour qu'on puisse la passer ensemble. Les promesses de l'aube sont trop étroites. Trop étroit.